Sombre rat, puis fier comme un charron. Need you to welcome. Je te vois pas dans nos célébrations ni aux enterrements. Tu galères pour nous compter, négro, on est tellement. T'as voulu t'opposer, tu t'es fait étaler bêtement. Y'a des charros, des généraux, pirates depuis longtemps. Qui pourra stopper la street, c'est banlieues à forifier. Anonyme dans ta tête, donne 2-3 indices, j'ai ton adresse. J'prends le plus petit vaillant qui sort du Hebs. Il dit qu'il ta mère, j'paye ses vacances. Allô, j'décroche mon bigot. La sœur d'un rappeur veut de la tendresse. Oh, complètement barjo. J'ai baisé sa mère par maladresse. Coro des coro Tavares. J'veux le feed avec Selena Gomez. Tout est noir comme chez les Gomis. J'suis congolais comme Georgian Goma. Martinique, Guadada, Guyana. Des criminels comme mon gars Sam. Pas de camarade, tu passes sous mana. J'suis capitaine, j'vends mon brassard. J'suis dans le pis. J'te vois pas dans nos célébrations ni aux enterrements. Tu galères pour nous compter, négro, on est tellement. T'as voulu t'opposer, tu t'es fait étaler bêtement. Y'a des charros, des généraux, pirates depuis longtemps. Qui pourra stopper la street, c'est banlieues à forifier. Béni soit les miens. Rebelle depuis le sein. Sur la tête de mon fusil. J'irai de ne jamais se laisser aller. Faudra s'il le fallait, s'il faut pas des salés. Quand la fin du mois est salée. En France bat des livres que quand tu nais. Au Dieu bat des livres que quand tu nies. Et le 3-5-7. À l'état de fond de mon continent. Voiture allemande, la sape d'Italie. Les Angeles, Charlie, ça métallique. J'ai du liquide, dis que je paye en liquide. Rends mon liquide ou bien je te brutalise. Y'a 2-3 bouffons qui font les macs. On gère pas une pute à la Windows. J'bois pas, j'pibi des vins. Ouais, disco, viens pas de Bordeaux. J'te vois pas dans nos célébrations ni aux enterrements. Tu galères pour nous compter, négro, on est tellement. T'as voulu t'opposer, tu t'es fait étaler bêtement. Y'a des charros, des généraux, pirates depuis longtemps. Qui pourra stopper la street, c'est banlieues à forifier. Béni soient les miens. Rebelle depuis le sein. Rebelle depuis le sein. Et ni soit les